change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it. They'd always just come directly home right after school. In the wind, they went to their church. They shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it. They'd always just gone there. Réunion première, merci de votre confiance et de votre fidélité. 10h, le journal de France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Des magasins vendus par Carrefour à un groupe polonais. Problème, le repreneur ne répond plus et les salariés français ne sont plus payés depuis 3 mois. La justice doit démêler cette affaire ahurissante ce matin. François Hollande, un président qui multiplie les discours. Ça commence sérieusement à ressembler à une campagne. Attention à la double casquette. Adieu Frontex. L'Europe crée une nouvelle agence pour protéger ses frontières, alors que l'Italie se sent bien seule pour gérer l'arrivée de milliers de migrants chaque jour sur ses plages. Dans ce journal, on vous présentera aussi le 3e tome de L'Arabe du futur, cette série à succès du dessinateur Riyad Satouf. France Info. On commence donc avec cette histoire de salariés sans patron. 47 personnes qui travaillaient chez Dia, le propriétaire de l'enseigne Carrefour, a vendu 8 de ses magasins en mai dernier à une chaîne polonaise, OK, mais il n'y a jamais eu de réouverture et ces 47 salariés ne sont plus payés. Leur seul espoir est désormais entre les mains du tribunal de commerce de Paris. Gaëlle Joly. Nazia est pourtant une femme forte, mais depuis que sa vie a basculé le 26 mai dernier, cette maman de 2 enfants ne sait plus comment s'en sortir. Depuis 3 mois, son salaire ne lui a pas été versé et elle vit avec des coupons alimentaires. Ma carte bleue, elle est bloquée. C'est un cauchemar. Moi, personnellement, je ne dors pas la nuit. Je me lève tous les matins, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? J'étais à la mairie, j'étais à la CAF, j'essaie de demander de l'aide. Même psychologiquement, on n'est pas bien, en fait. Les 47 salariés sont aujourd'hui dans une véritable impasse juridique, car ils n'ont pas le droit de postuler ailleurs ni de toucher le chômage. Kamel, 32 ans, lui aussi, ancien salarié de chez Dia. À l'URSSAF, on est déjà déclaré comme salarié. On est coincé, le mot exact, c'est on est suspendu. Si la situation ne se développe pas, on peut plus y tenir. Une situation inédite pour Sandrine Sarroul, déléguée chez Carrefour de l'Union départementale FO Paris. Qui suit le dossier de près. C'est du jamais vu. C'est un vide juridique en fait. Comment font les salariés dans une telle situation? On ne sait pas. Je ne sais pas quoi leur dire au téléphone. Là, il faut que ça s'arrête. Il faut que le tribunal de commerce donne la liquidation judiciaire. Cette liquidation judiciaire, les salariés espèrent que le juge la prononcera ce matin, car leur ancien employeur, Carrefour, se serait engagé à les reprendre tous à l'issue de la procédure. Et l'audience est à partir de 9h devant le tribunal de commerce de Paris. Le célèbre papier Canson change de nationalité. Vous savez, ces grandes pochettes de feuilles à dessin, elles ont été rachetées par le groupe italien Fila. La vente vient d'être officialisée, ainsi que son montant, 85 millions d'euros. L'entreprise Canson est l'une des plus vieilles de France. La papeterie a été créée à Annonay en Ardèche en 1557. De violents affrontements dans les rues de Bastia. Hier soir, plusieurs dizaines de nationalistes corses ont affronté les forces de l'ordre en marge d'un rassemblement pour soutenir trois jeunes qui sont en ce moment jugés à Paris. Sept policiers ont été blessés d'après les informations de nos confrères de France Bleu sur place. Il est 8h presque 3 sur France Info. Encore un discours de François Hollande aujourd'hui? Oui, il les enchaîne en ce moment. Il va parler démocratie et institutions ce soir dans le cadre d'un colloque organisé par le président de l'Assemblée nationale. Mais gare à la double casquette, président ou candidat, une ambiguïté que François Hollande lui-même dénonçait il y a 5 ans, quand le président presque candidat s'appelait Nicolas Sarkozy. Du coup, à l'Élysée, on se dit très vigilant sur le sujet, Louise Baudet. Règle numéro 1, se faire inviter par un institut, un think tank, une fondation, n'importe quelle institution qui aura la bonne idée d'organiser un colloque, de louer une salle, d'établir la liste des invités à partir de ses propres fichiers. Ça peut sembler faux-cul, mais c'est très important, confie un conseiller du président qui cite le parfait contre-exemple. Toulon, le 1er décembre 2011, des cars affrétés par l'UMP, 5000 militants galvanisés, près de 156 000 euros dépensés et le compte de campagne de Nicolas Sarkozy invalidé. Règle numéro 2, ne jamais désigner nommément l'adversaire mais user allègrement du « suivez mon regard », manier l'implicite, le double discours, ça tombe bien, c'est la spécialité de François Hollande. Et puis règle numéro 3, anticiper les contestations. Le président qui s'invite entre la poire et le dessert d'un déjeuner très politique à Blois, il y a 10 jours, chacun a payé sa part, précise-t-on, avant de concéder que oui, ce déjeuner devra peut-être être versé au futur compte de campagne. L'eau des piscines parisiennes est plus fraîche depuis la rentrée, mais pas sûr que les 7 millions de visiteurs annuels s'en soient rendus compte. La température n'a baissé que d'un degré, 26 au lieu de 27. La mairie vient seulement de le dire. Elle compte faire des économies, environ 300 000 euros. Elle veut surtout faire un geste écolo, car les piscines consomment énormément d'énergie. Limiter les gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète, c'est aussi l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. Il entrera en vigueur le 4 novembre. Il y a maintenant suffisamment de signataires. Les principaux pays pollueurs l'ont ratifié. L'Europe se dote d'un nouvel outil pour contrôler ses frontières, une nouvelle agence censée être plus efficace que Frontex qui disparaît. Les effectifs sont doublés, le budget renforcé, ses prérogatives élargies. Cette nouvelle structure pourra s'appuyer sur une réserve d'au moins 1500 gardes-frontières. Ils ont une mission de surveillance. Ils ne sont pas chargés de gérer les opérations de secours qui sont menées quotidiennement en Méditerranée. Plus de 11 000 personnes ont tenté de traverser la mer pour rejoindre l'Europe depuis le début de la semaine. Et l'Italie est en première ligne. Reportage en Sicile de Mathilde Imberti. 8h du matin hier, le maire adjoint de Catane, Marco Consoli, reçoit un message. Des migrants africains secourus lundi en mer débarquent sur le port. Les chiffres sont impressionnants cette fois-ci. Ils étaient plus de 1000 à bord, dont 3 enfants qui sont nés lors des opérations de secours. Et il y avait également beaucoup de mineurs isolés que nous allons mettre dans des structures à part. Le va-et-vient des autocars qui transportent les rescapés vers les centres d'accueil s'est poursuivi jusque tard dans la nuit au port de Catane. 1000 personnes à débarquer, cela prend au moins 24 heures, explique ce secouriste. Oui, c'est très long. Les médecins doivent vérifier leur état de santé. Ensuite, ils sont présentés à la police pour une première identification. Tout cela, mis bout à bout, fait perdre beaucoup de temps, sans compter qu'il faut leur trouver un point de chute. Ici, en Sicile, on a le grand centre de Mineo, mais il est plein à craquer. Alors, ils sont répartis ailleurs en Italie. Au large, des milliers de rescapés mis en sécurité sur des canaux de sauvetage attendent le retour des gros bateaux de secours en mer pour pouvoir eux aussi être acheminés vers la terre ferme. Près de 80 embarcations de fortune ont été secourues en 3 jours, plus de 11 000 personnes. Catane, Mathilde Imberti, France Info. L'ONU a trouvé un successeur à Ban Ki-moon. Le prochain secrétaire général des Nations Unies devrait être Antonio Guterres. Le Conseil de sécurité s'est mis d'accord hier. Un vote formel doit avoir lieu aujourd'hui. Antonio Guterres a été Premier ministre au Portugal avant de diriger pendant 10 ans le Haut Commissariat pour les réfugiés. Les plages de Floride sont désertes. De nombreuses écoles de la côte sont fermées. Des sacs de sable ont été distribués aux habitants. Le sud-est des États-Unis se prépare à l'arrivée de l'ouragan Matthew. Cette tempête a fait au moins 23 morts en Haïti. Un probable best-seller qui arrive en librairie. L'Arabe du futur, tome 3. Les deux premiers se sont vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Dans cette série, le dessinateur et cinéaste Riyad Satouf nous raconte sa jeunesse en Syrie, le pays de son père, Gilbert Chevalier. Et Riyad Satouf, dans ce troisième volume, continue de nous offrir sa naïveté et sa tendresse d'enfant pour regarder le monde. C'était ce que je voulais faire avec l'Arabe du futur. C'était le point de vue d'un enfant sur l'intimité d'une famille et au travers de ça, d'écrire un voyage entre les cultures. Et c'est vrai que le point de vue de l'enfant est associé de très fort, c'est qu'il ne juge pas. Et plus encore dans ce troisième tome, depuis la hauteur de ses 7 ans, Riyad Satouf nous décrit les tiraillements d'un père à l'étroit entre les traditions de sa famille et un mode de vie qu'il souhaite. C'est vrai que dans ce volume, je parle un petit peu de ce tiraillement entre la tradition et la modernité, en fait quelque chose de peut-être assez universel, mais là, mon père était pour le savoir, en même temps il croyait que le diable existait, donc comment voulez-vous faire avec ces deux choses-là? C'est forcément un petit peu schizophrène. Aujourd'hui, Riyad Satouf est rattrapé par la grande histoire, celle dramatique de ce pays qu'il a habité seulement quelques années. J'y pense, en effet. Enfin, voilà, comme tout le monde, je regarde vos informations. Moi, la Syrie, c'est un pays que j'ai connu dans les années 80, que je n'y suis plus retourné depuis. C'est assez incroyable quand l'histoire semble rattraper la vie personnelle. C'est toujours étonnant. Après celui-ci, Riyad Satouf aura encore 2 volumes de son Arabe du futur à nous proposer. Les collégiens et les lycéens vont désormais pouvoir lire la presse gratuitement dans leurs établissements via une plateforme web qui entre en service aujourd'hui. Elle s'appelle Lire l'Actu et elle propose 14 journaux comme Le Monde, Les Échos et Courrier International. C'est le ministère de l'Éducation qui a imaginé cet outil après l'attentat contre Charlie Hebdo pour lutter contre les théories du complot. Mathilde Munoz sur France Info. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci d'écouter Réunion Première. Bonjour à tous, il est 10h09. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Le temps est maussade depuis ce matin du port à Saint-Philippe, idem pour le volcan, les plaines et les cirques de Mafate et de Salazie. En revanche, dans la région du sud-ouest, il fait bien meilleur. Aucun changement n'est attendu pour l'après-midi, il faudra faire avec, surtout et penser à prendre le parapluie. Les températures de l'après-midi, faute de soleil, sont en baisse. Il fera de 25 à 27 degrés en bord de mer, 13 à 16 degrés sur le volcan ou sur la plaine des Cafres. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Hier, dans la deuxième pour le Grand Prix Anjou-Maine, il fallait opter pour le 8, le 9, le 6, le 11, le 13, le numéro plus, le 0, 0, 93. 8, 9, 6, 11, 13, numéro plus, 0, 0, 93. Aujourd'hui, dans la cinquième course, pour le prix Roland Fougedoir sur l'hippodrome de Fontainebleau et pour 1 million d'euros, les pronostics du Fouineur, du Gire, le 5, le 7, le 11, As, 2, 4, 3 et le 17. 5, 7, 11, As, 2, 4, 3 et le 17. Le bien vieillir est au cœur de l'émission de ce jeudi 6 octobre et pour répondre à vos questions sur Réunion Première au 02 62 99 2000, nous recevons une équipe d'experts. Je vous les présente dans moins de 5 minutes. Alors c'est un thème qui forcément vous interpelle et qui vous inquiète aussi, qui parle du vieillissement de la population, des mesures qui sont en place pour donner à chacun le droit de bien vieillir, la perte d'autonomie, la prise en charge financière, la retraite ou encore les solutions pour rompre l'isolement. Alors un conseil, prenez les devants, composez le 02 62 99 2000. Par SMS au 06 92 70 2000. Les questions à poser pour vos parents, vos grands-parents, pour vous-même peut-être, pour les membres de la famille. Le bien vieillir, c'est un enjeu d'avenir. Il en est question ce matin sur la première avec les experts jusqu'à 11h30. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Moi la paix pour demain, si nous fait femme, elle est bonne mère. L'air marin m'y respire sans l'odeur. Ça me plaisir quand la brise salée, si mon figuier fait à moi un gâté. Mon espoir, c'est que mon enfant aussi, dans 20 ans, il est fier de son pays. Il va profiter, ça que nous l'a protégé, l'océan, la montagne, la forêt. Moi la paix pour demain, si nous fait pas rien, la Réunion, mon pays, un enfer, il devient la nature, ça la vie, faut nous songer, allez bien, si nous veut continuer. Est au cœur de l'émission Les Experts jusqu'à 11h30. Les questions, les réactions au standard 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Les Experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. En première, l'interview de l'invité de la matinale en rediffusion. Grand sportif sur un piédestal, alors que le la chronique écho. Et à développer son programme d'entrepreneuriat. Le zapping de la radio à 13h20 et puis votre rubrique Connect Première. Tous en première avec Ingrid, du lundi au vendredi de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Tout citoyen en France a des droits, des devoirs aussi, et ce qu'il sait peut-être moins, c'est qu'il a le droit de bien vieillir et que tout doit être fait, organisé pour lui faciliter cela. On en parle ce matin sur la première, à mes côtés des experts du bien vieillir, Emmanuel Voirot-Sautière, directrice déléguée de la CGSS, Diane Bayeux de l'association Diabète Nutrition, Jacques Leroy, directeur de l'ORIAPA. Et puis nous avons avec nous également Alix Lechat de l'Université Solidaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors à partir de quel âge on doit commencer à réfléchir au bien vieillir, Emmanuel Voirot-Sautière? Je dirais que réfléchir au bien vieillir, ça démarre tôt, et pas seulement lorsque la question de la dépendance se pose et du maintien à domicile. Ça démarre tôt parce que d'une part, il faut être attentif à l'évolution de sa santé. Enfin, on a quelqu'un qui nous parlera du diabète et de la nutrition. C'est vrai qu'à La Réunion, l'état de santé de la population fait qu'à partir de 50 ans, le vieillissement démarre. C'est beaucoup plus tôt qu'en métropole et c'est donc dès 50 ans qu'il faut se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Et il y a un certain nombre d'acteurs à La Réunion qui justement sont là pour apporter ces réponses et ces messages d'information. Alors, quelles sont ces bonnes questions à se poser, Alix Lechat de l'université solidaire? Alors les bonnes questions que les personnes doivent se poser, ces bonnes questions. Les bonnes questions que l'on doit se poser, c'est comment bien vieillir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on sait très bien que il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. C'est les abus, les imprudences, mais il y a des choses qu'il nous faut aujourd'hui se dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on sait très bien que si on ne fréquente personne, on reste dans son coin. L'isolement c'est très ça. Mauvais. Ouais. Donc, il faut aller vers les autres. Et il y a des clubs. Nous avons l'Oriapa. Nous avons effectivement l'Université Solidaire. Et cela permet effectivement aux gens d'échanger entre eux, de faire en sorte que leur vieillissement se passe le mieux possible. Jacques Leroy, vous êtes le directeur de l'Oriapa et il y a plus de 40 ans de cela, c'est l'Oriapa qui a mis en place les clubs de troisième âge. On oui. a tendance à l'oublier, ça. L'Oriapa est à l'origine, surtout, oui, de la mise en place des clubs de troisième âge. Tout à fait. Bon, il y a eu, donc, il y a 40 ans, un constat, un diagnostic territorial, comme on sait très bien les faire aujourd'hui, mais qu'on découvrait à l'époque. La situation sociale au sens large, donc, de l'ensemble de la population réunionnaise et des personnes âgées, avait été diagnostiquée par certains précurseurs. En l'occurrence, donc, l'AREP, l'Association Réunionnaise d'Éducation Populaire, qui est à l'origine de la création de l'Oriapa, avec d'autres organisations, associations, donc, je dirais, caritatives. Et la question était de savoir, justement, face à ce lien social manquant pour l'ensemble des personnes âgées sur le territoire, qu'est-ce qu'il était possible de faire ? Le sujet de base, parce qu'il n'y avait à l'époque pas d'opérateur comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le conseil départemental qui est le chef de file de la politique des personnes âgées sur les territoires. On a la CGSS, les caisses de retraite, des mesures les centres communaux d'action sociale, les centres intercommunaux d'action sociale aujourd'hui qui sont bien établis et qui sont organisés. Il y a 40 ans, on n'avait pas ces structures-là. On n'avait que des bureaux d'aide sociale qui faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Et l'idée était donc de pouvoir créer un lien social, puisque donc on parle de bien vieillir, mais c'est aujourd'hui de la même chose. Pour pouvoir bien vieillir, il faut pouvoir rester en lien social avec l'ensemble en fait de ces de la société au sens large, les petits enfants, les adultes et les autres personnes âgées. Donc le lien social, ça permet, on est humain, de communiquer. C'est vraiment fondamental pour pouvoir donc évoluer donc sur son état de santé aussi, parce que si on prend la définition de l'OMS, l'état de santé de quelqu'un, c'est un état général de bien-être médical, social et dans sa tête. Donc il faut être bien sur l'ensemble de ces éléments-là pour, à tous les âges de la vie, être en bonne santé, et y compris quand on est âgé. Donc le plus important, c'est effectivement aussi de créer des liens sociaux, et ça commence, pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, très tôt, et en l'occurrence, moi je dirais que dès qu'on commence à préparer sa retraite, il faut anticiper justement sur quoi faire après sa retraite. C'est un sujet vraiment fondamental aujourd'hui. Bien préparer sa retraite, c'est vraiment très très important. Emmanuel Obraro, se tire de la CGSS. Je rebondis justement, parce qu'effectivement, à la CGSS de La Réunion, c'est vraiment le message sur lequel on insiste désormais, c'est-à-dire que quand nos assurés viennent demander leur retraite, le message qui leur est donné, c'est penser tout de suite à l'après, c'est-à-dire dès maintenant, projetez-vous, organisez-vous, faites un peu de recherche, voyez les activités que vous pourriez continuer d'avoir après l'arrêt de votre activité, et on diffuse un certain nombre d'informations sur les options qui peuvent se présenter, des ateliers d'information, les clubs, pour justement maintenir ce lien social et se préserver. Alors, dès 50 ans, les Réunionnais apparaissent en moins bonne santé que ceux qui habitent sur le territoire national. La donnée nous vient de l'Agence régionale de la santé. Et puis alors, au sein de l'association Diabète Nutrition Diane Bayeux, on sait que le diabète fait beaucoup de ravages ici dans la société. Donc là, il faut surtout veiller à sa bonne santé. Et c'est important. Oui, c'est vrai. On sait que quasiment 10% de la population réunionnaise est diabétique. Donc, en vieillissant, ce diabète-là va entraîner certaines complications, des difficultés qui vont être accentuées, puisque déjà initialement, le diabète peut entraîner un certain isolement social. Donc, de par l'arrêt d'une activité professionnelle ou familiale, c'est accentué. Donc, c'est vrai que nous, à travers toutes nos activités, surtout d'activités physiques qui ont lieu de façon hebdomadaire et tous les ateliers en lien avec la nutrition ou d'autres thématiques plus larges. On essaye, comme disait Monsieur Leroy, avant de faire vraiment de la prévention santé, de recréer du lien social et de permettre aux gens, bah voilà, de se retrouver à un moment donné et tisser des liens d'amitié, bien souvent qui leur permettent du coup d'aller vers d'autres activités sociales. Profitez de la présence de nos experts pour réagir au standard de la première au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Et ce que l'on sait aussi, c'est que le Réunionnais qui prend de l'âge, qui vieillit, en fait, préfère rester chez lui dans sa maison et non aller dans une structure d'accueil. Pour pas mal d'entre eux, c'est aussi pour des raisons financières, Jacques Leroy de l'ORIAP. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou à La Réunion, si on prend le cas des établissements d'hébergement pour personnes âgées, ce sont des structures qui remplissent un énorme travail, hein, il faut quand même le rappeler. Mais au-delà, effectivement, pour la population et qui plus est de La Réunion, les ressources des personnes âgées sont quand même moindres et que du coup, ça nécessite effectivement soit que les familles puissent contribuer effectivement à ces coûts en hébergement, soit que du coup, effectivement, on ait recours à l'aide sociale départementale, ce qui veut dire que ça implique le budget du conseil départemental. Et aujourd'hui, on sait bien que les politiques publiques ont du mal à suivre au niveau des contraintes économiques nationales. Pour les familles, c'est compliqué, effectivement. Ça peut être un frein, effectivement. Ça veut dire que quelquefois, il faut vendre la maison pour arriver à subvenir à l'entrée en maison de retraite. Donc, c'est effectivement pas très simple. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de continuer, comme c'est la politique publique au sens large, le maintien à domicile autant que faire se peut, d'une part. D'autre part, par contre, il faut arriver à anticiper les limites du maintien à domicile, parce qu'il y en a. Et donc réfléchir aux différentes solutions et aux problématiques financières qui vont avec pour ne pas se retrouver du jour au lendemain dans des situations dramatiques comme on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le classique, c'est effectivement, on est dans une situation de maintien à domicile, on tombe à la maison, on fait une chute, on va à l'hôpital, donc on fait ce qu'on peut. Et puis ensuite, eh bien, il faut rentrer à la maison, mais rentrer à la maison, ce n'est plus possible parce que l'état donc de perte d'autonomie ne le permet plus. La maison n'est plus adaptée, tout à fait. Ça, c'est un gros enjeu sur les territoires de La Réunion également. Et du coup, on est confronté au fait que la famille ne peut plus garder aussi ses parents chez soi aussi. Donc, on est obligé d'aller à un moment donné en structure. Sauf que à un moment donné, c'est compliqué au dernier moment, donc on n'y est pas préparé, donc il y a les conséquences psychologiques tant pour la personne que pour la famille. Et le mieux, c'est quand même d'anticiper au maximum sur ces hypothèses-là. Et il ne faut pas non plus voir l'entrée en établissement comme quelque chose de négatif, parce que les structures font quand même un bon travail. Donc on parle quand même aussi de beaucoup de structures à La Réunion quand même développées, ce qu'on appelle l'humanitude. Ce sont des notions positives, je dirais qu'au sens large d'ailleurs à La Réunion, s'occupe très bien des personnes âgées. Et vieillir en sens large, je voulais quand même rebondir aussi un petit peu là-dessus, c'est pas un phénomène négatif, c'est positif de vieillir. On a la chance de vieillir au niveau général, et il faut donc pouvoir s'occuper positivement pour profiter justement de son vieillissement positif et actif. Profiter de sa retraite aussi. Effectivement avoir des bonnes informations, et puis effectivement que l'ensemble des opérateurs arrivent à communiquer tous ensemble pour trouver des dispositifs de prévention pour éviter que certaines pertes d'autonomie n'arrivent avant que du coup ils soient... Ça devient plus compliqué. Vous réagissez au standard de la première, 02 62 99 2000. Nous sommes sur le bien vieillir. Il y a des experts qui sont là pour vous écouter, mais aussi pour répondre à toutes les questions. Emmanuel Waro, sautière directrice déléguée de la CGSS, Diane Bayeux de l'association Diabète Nutrition 974, Alix Lechat de l'Université Solidaire, et puis Jacques Leroy de l'ORIAP. 02 62 99 2000. Réagissez également par SMS au 06 92 70 2000. Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords. Ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire, t'aimer sur les bords du lac. Ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que rivière est là, font prendre racine. J'ai trompé la mort. Mais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Des questions à poser à nos experts, des questions pour vos parents, vos grands-parents et pour vous-même, même peut-être dans quelques années, pour des membres de votre famille. 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Emmanuelle Barreau-Sautière, directrice déléguée de la CGSS, Diane Bayeux de l'association Diabète et Nutrition, Alex Lechat de l'Université Solidaire et Jacques Leroy, directeur de l'ORIAP. Alors la question qui est plutôt difficile aussi pour pas mal de Français, c'est comment bien vieillir? Vous avez la réponse à cette question, Alex Lechat de l'Université Solidaire. Comment voilà, bien vieillir? Voilà. À l'Université Solidaire, bon, il y a deux mots. Je bouge, je suis actif. On reconnaît aujourd'hui l'impact sur le cerveau de nos alliés naturels, que sont donc l'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée, bien sûr, le respect des cycles du sommeil, pas dormir n'importe quand, la régulation du stress, les stimulations intellectuelles, psycho-affectives et sociales, etc. Et donc, effectivement, l'Université Solidaire, qui aujourd'hui a 30 ans, parce qu'en 1986, la Mutualité de la Réunion, par le biais de son président, enfin, il était à l'époque directeur de la MGEN, M. Théodore Waro, et donc, à l'initiative, c'est-à-dire pour faire comme la MGEN, nous avons créé donc ce club de retraités qui est devenu ensuite Senior Club Mutualiste, et depuis 2006, l'Université Solidaire. Donc, c'est un lieu d'activité pour mon corps et mon esprit. Et tout au long de l'année, nous proposons notamment des activités physiques, des activités artistiques et tout ça pour s'épanouir. Alors, il y a aussi malheureusement des facteurs qui vont aggraver ce processus du bien vieillir. Emmanuel Barreau-Sautière de la CGSS, le stress, la solitude, les maladies aussi. Ouais. C'est sûr que compte tenu de l'état sanitaire de notre population, et on parlait notamment du diabète, on entre dans des maladies chroniques. Les maladies chroniques, plus on avance en âge, les bonnes habitudes n'ont pas été prises, si les messages de prévention, comme on le disait, une activité physique, une alimentation équilibrée, réguler son sommeil et son stress, tout ça sont des facteurs aggravants et qui peuvent générer des conséquences assez dommageables sur la santé de nos personnes âgées et accélérer l'entrée dans la dépendance. Or, bien vieillir, en quoi ça consiste? Ça consiste à vieillir en retardant le plus possible l'entrée dans la dépendance. Encore une fois, ça se prépare assez tôt. Alors, vous savez, tout à l'heure, on parlait de ces personnes âgées, ces gramounes qui n'ont pas envie de quitter leur maison. Vous leur dites quoi? Vous comprenez hein, parfois leur... leur sentiment de ne pas quitter la maison, bien sûr qu'on peut partir en maison de retraite. Bien sûr qu'on peut les comprendre. Il est vrai que tant qu'une personne âgée peut rester à son domicile, c'est très bien. Elle est dans son environnement, elle a ses habitudes de vie, elle a du lien avec ses voisins, sa famille, et tout ça contribue retarder l'entrée dans la dépendance. Mais comme le disait Monsieur Leroy tout à l'heure, à un moment donné, quand la dépendance est là, si on a fait une chute, que le retour à domicile n'est plus envisageable, là se pose la question de l'hébergement. Et c'est vrai que si on n'a pas anticipé cette perspective, la transition est très brutale et elle est très difficile à vivre et elle génère du stress et elle génère de la détresse chez ces personnes âgées qui ne peuvent, quand elles sortent de l'hôpital, ne peuvent plus rentrer chez elles. Alors, ce que l'on s'attache aussi à faire avec les caisses de retraite à La Réunion et avec l'ensemble des partenaires, c'est d'accompagner le plus possible cette sortie d'hôpital et de contribuer à aménager le logement pour faire en sorte que malgré le handicap qui survient, malgré les difficultés, que la personne puisse rester à son domicile. Donc, il y a des aides possibles. Alors, on peut contacter sa caisse de retraite, solliciter une intervention pour une évaluation des besoins au domicile et ensuite pouvoir obtenir certaines aides, notamment financières, pour pouvoir aménager le logement et prolonger au maximum le maintien à domicile. Jacques Leroy, directeur de Loria Palais, les gens sont bien au courant de ces aides qui sont possibles, ils sont bien informés surtout. Non, je pense que sur le plan de l'information au sens large, au niveau national, comme au niveau de La Réunion, on manque vraiment d'informations parce que on ne s'intéresse à ces informations que quand on est concerné. Et du coup, c'est dans l'urgence et c'est très compliqué de savoir à qui s'adresser. Pourtant, tous les opérateurs, y compris locaux, font beaucoup d'efforts de communication. Mais ce qui manque, effectivement, c'est une sorte de plateau technique local en matière d'information pour ce qui concerne l'ensemble des personnes âgées, pour répondre à leurs besoins aux aides qui existent, en fait. Hein. Il y en a beaucoup qui existent. Maintenant, il faut savoir où trouver l'information. C'est ce qui est compliqué. Au niveau national, il y a un site internet qui existe donc pour les personnes âgées, gouv.fr, qui référence quand même beaucoup d'informations pour les personnes âgées avec les aides nationales, hein, des différents opérateurs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est assez récent, mais ça permet quand même de savoir où aller chercher l'information. Après, vous me direz, effectivement, les personnes âgées n'ont pas forcément internet. Donc là, ça s'adresse aussi aux professionnels ou aux familles, hein, de pouvoir au moins avoir accès à ces informations. Donc, encore faut-il savoir que ce portail existe et qui référence des données, en tout cas, qui sont au moins fiables. Peut-être que certains opérateurs à La Réunion vont travailler sur un portail collaboratif en matière d'information, effectivement, qui rassemblera l'ensemble de ce que chaque opérateur apporte déjà comme information, mais de manière centralisée pour faciliter donc aux familles et aux personnes âgées l'accès à cette information. C'est possible, Alex Lochat de l'Université Solidaire? Je pense que c'est possible, d'autant plus qu'on peut dire qu'à La Réunion, nous avons pris beaucoup de retard en ce qui concerne l'hébergement de ces personnes âgées, notamment dépendantes. Parce que, effectivement, c'était dans les habitudes du créole. Il dit, on garde son petit vieux à la maison. Et aujourd'hui, avec les différentes maladies qui ont vu le jour, avec les différents problèmes, notamment de dépendance, les familles sont dépassées par ce qu'il y a à faire. Donc, on essaie de faire tant bien que mal, mais on sent très bien que c'est pas ça. Et donc, aujourd'hui, notre problème à nous, c'est de rattraper ce retard. notamment de création de structures qui puissent effectivement accueillir les personnes âgées qui ont des problèmes. Oui, Emmanuel Barreau-Sautière. Pour prolonger le propos de M. Lechat, c'est d'autant plus impérieux de rattraper ce retard, mais il faut aussi l'accélérer, parce qu'on reste sur un préjugé concernant la population réunionnaise. On nous dit que c'est une population jeune. Sauf que la population réunionnaise connaît le vieillissement le plus accéléré au monde. En 2040, la population de plus de 60 ans aura doublé. Ouais. On est déjà 273 700 pour un peu plus d'un million d'habitants, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc, un quart de la population aura plus de 60 ans, l'équivalent des jeunes de moins de 20 ans. Et aujourd'hui, on est déjà en déficit de structure. Oui. Alors, on a parlé des EHPAD, mais avant l'EHPAD, qui est la structure médicalisée, on a aujourd'hui des dispositifs du type résidence autonomie, qui sont des petites structures dans lesquelles les personnes âgées trouvent un hébergement avec une animation, un accompagnement du lien social. Ce sont des dispositifs pour lesquels aujourd'hui, les acteurs locaux et notamment les communes donc commencent à se poser la question de comment j'investis, à quelle méthode je vais recourir pour construire ces résidences. Les caisses de retraite RSI, CGSS, MSA s'engagent aussi aux côtés des communes pour accompagner ce type de projet, mais on en est au balbutiement. Et le besoin, il est demain, 2040, c'est demain. Alors comment le petit Gramoun avec 500 euros de retraite par mois peut se dire « je peux aller en maison de retraite ». C'est un modèle économique qui se construit. Alors c'est un modèle économique qui se construit dès la réflexion, lorsque l'on a ce projet de construire une résidence autonomie. On parle d'habitat intermédiaire. La réflexion, elle doit se faire dès en amont, en ayant un modèle économique qui tienne compte du montant moyen des pensions de retraite. Il faut quand même savoir que 42% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté à la Réunion. Donc c'est une donne, il faut en tenir compte. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut aussi tenir compte de toutes les aides dont on peut bénéficier. L'APL par exemple. Donc lorsque l'on se lance dans la construction d'une résidence autonomie, il faut qu'au bout du compte, le loyer ou les coûts qui resteront à la charge de la personne laissent un reste à vivre suffisant et correct pour cette personne pour qu'elle puisse vieillir en toute dignité. Alors, j'aimerais que l'on revienne un instant sur ce partenariat entre la Mutualité et la CGSS. En février 2015, Diane Bayeux, en fait, vous avez signé une convention de partenariat pour unir vos efforts dans la lutte contre le diabète. Oui, effectivement, comme on le sait, la Mutualité de la Réunion est très investie du coup sur la cause du diabète. Et en 2015, un rapprochement s'est fait avec la Sécurité sociale, puisqu'il y a différentes actions qui sont menées par la CGSS, notamment la plateforme Sophia, qui accompagne les diabétiques et qui accompagne quasiment plus de 10 000 diabétiques maintenant localement à la Réunion. C'est une plateforme locale. Donc ce partenariat s'est noué effectivement sur la thématique du diabète. Et de par les différents échanges qui ont eu lieu ces derniers mois, il a été étendu au vieillissement actif notamment, pour que la Mutualité, la Réunion, l'association ADN puissent intervenir aux côtés de la CGSS et d'autres partenaires sur cette thématique du bien vieillir actif. Donc il faut faire de la prévention, insister sur le dépistage aussi. Alors, concernant le diabète, oui, le diabète, c'est une maladie chronique qui, avec le vieillissement de la population, devient de plus en plus fréquent, puisque, le diabète, c'est un dysfonctionnement d'un organe, le pancréas, et en vieillissant, malheureusement, tous les organes sont amenés à fatiguer, et passé 70 ans, c'est vrai qu'on a plus de risques de développer un diabète, mais ce diabète-là, j'allais dire, est bien moins méchant que celui qu'on va découvrir à 40 ans. Puisque, même si on a une bonne espérance de vie, finalement, les années qui restent entre la découverte du diabète et la fin de la vie donneront assez peu de place à la, enfin voilà, à des complications, sauf s'il y a vraiment des comportements extrêmes. Mais si la personne ne développe un diabète qu'à 70 ans, c'est qu'elle a eu une hygiène de vie correcte. Oui, ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on va proposer là à partir de 2017 des actions un peu plus ciblées vers vers les personnes de plus de 60 ans, donc pour essayer de les sensibiliser davantage à cette problématique-là. Et plus et vous largement. Vous arrivez à faire passer les messages de prévention auprès de cette population? Oui, de alors. Leur dire qu'il faut manger autrement, de leur dire peut-être plus trop d'huile dans le curry, plutôt de riz, moins peut-être de viande, etc., moins de sucre. Alors, au niveau de l'alimentation, de toute façon, en vieillissant, il y a automatiquement des changements au niveau de l'alimentation qui se font. C'est bien souvent plus rectifier des comportements restrictifs sur lesquels il faut agir que vers le trop manger. À La Réunion, je pense, si on regarde bien, voilà, je pense qu'on a assez peu de personnes âgées en surpoids. Mais alors, par contre, les problèmes de dénutrition chez la personne âgée sont beaucoup plus importants. En vieillissant, on a moins faim, on a moins soif, on a moins envie de manger de viande. Les produits laitiers, ça dit pas grand-chose. Si on a des problématiques de mastication, on a perdu ses dents, on a un dentier. Ouais. C'est plus compliqué de manger. Si on perd du poids parce qu'on mange moins, le dentier n'est plus adapté, donc on mange encore moins. Donc c'est des l'alimentation, voilà, il y a vraiment un impact direct sur la bonne santé, puisque dès que la personne âgée va moins bien manger, ça fait la place à tout un tas de pathologies qui peuvent du coup là être très sévère. Les experts du bien vieillir sur Réunion Première, Diane Bayeux de l'association Diabète Nutrition 974, Emmanuel Warreau, directrice déléguée de la CGSS, Jacques Leroy, directeur de l'ORIAPA et Alix Lechat de l'Université Solidaire. Les questions, les réactions évidemment sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission Les Experts, par SMS au 06 92 70 2000 et puis en direct avec Mathias au standard 02 62 99 2000. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche l'État. On veut savoir ce qu'on veut à La Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dorni, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Première. La salle ou le corps, vraiment les guêpes à plus fort. J'ai ricosté encore, mon besoin ou confort. Ainsi, mon cœur sentiment y va. Et mon âme, mes hommes, même si mon pan forcé. vieillir? Comment bien vieillir? C'est une question très importante. Les réponses, nous les avons ici dans ce studio avec nos experts. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Alors la personne qui prend de l'âge, je vais pas parler de personnes âgées, non plus de grands mots, mais qui prend de l'âge, est-ce que cette personne consulte plus souvent son médecin, fait beaucoup plus attention à sa santé, selon vous, Alix Locha de l'Université Solidaire? Oui, ben la mutualité de la Réunion, parce que l'Université Solidaire fait partie de la mutualité de la Réunion, nous avons aussi la complémentaire santé et nous apercevons effectivement que les personnes âgés sont plus consommateurs que les jeunes. Consommateurs de médicaments surtout. Et puis bien sûr, on a toujours besoin, comme on dit, quand on est une personne âgée, il y a toujours un petit coin qui fait mal. Vous savez très bien. Des douleurs. On bien dit sûr, voilà. De l'arthrose, etc. Les personnes etc. qui voilà. sont, on appelle ça tamalou. On a toujours mal quelque part. Et donc, à partir du moment où on a mal, on veut se guérir, on veut ne plus souffrir. Je crois que c'est humain. Oui, oui. Voilà. Et donc, ça entraîne effectivement une consommation médicale supérieure. Mais attention, la dépendance de médicaments, Emmanuel Warraud-Sautière. C'est une autre précaution à prendre et une autre difficulté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans ce profil de soigner sa douleur et de consommer plusieurs médicaments, on mélange les principes actifs et chez une personne qui prend de l'âge, ce mélange de principes actifs peut être explosif. Chez la personne âgée, ce qu'on appelle la iatrogénie médicamenteuse, le fait de consommer plusieurs médicaments en même temps est un problème de santé publique. Le petit cachet pour le diabète, le petit cachet pour l'hypertension, le petit cachet pour le mal de tête, et etc. Et puis, quand etc. on est âgé, beaucoup, oui. quand on est isolé, la difficulté qui se pose, c'est de s'assurer que le traitement est suivi correctement. Si la posologie, c'est un cachet le matin et le soir, oui, si j'ai oublié de prendre mon cachet le matin, je ne vais pas en prendre deux le soir. Mais quand on est accompagné et que la personne est à la maison et que quelqu'un peut l'aider à prendre son traitement, il n'y a pas de problème. Mais quand on est seul et que on essaie de faire comme on peut avec ses douleurs et on a mal et on prend tel cachet en ayant oublié qu'on en a pris un il y a eu 2 heures, ça peut poser des problèmes. Tout ce qui est anxiolytique également. La personne âgée se voit prescrire davantage d'anxiolytiques, oui, d'antidépresseurs. Ouais. Un anxiolytique mal pris en termes de posologie peut provoquer des déséquilibres, des vertiges et donc des chutes. Et on sait qu'une personne âgée qui chute, c'est probablement une entrée dans la dépendance. Directeur de l'ORIAPA, oui, Jacques Leroy, vous partagez évidemment dans tout ce que disent les invités là autour de cette table. Hein. Oh, bien ouais. sûr, je pense que justement ce qui est intéressant, c'est les complémentarités que l'on a dans nos missions et fonctions, mais je partage complètement effectivement ce qui a été dit. Je voulais effectivement, on était tout à l'heure sur la définition donc de l'OMS sur la santé, hein, donc l'état complet de bien-être physique, mental et social. Donc je voulais aussi rebondir sur le côté justement social, puisqu'à un moment donné, les personnes âgées sont seules, y compris la Réunion. Là, je voulais prendre quelques chiffres qui, à mon avis, sont quand même assez illustratifs. À la Réunion en 2011, vivent seules à leur domicile 26% des personnes âgées de plus de 65 ans. Et 30% des personnes âgées de plus de 75 ans. Et sur cette proportion statistique de personnes, on a 80% de femmes qui sont seules. C'est énorme. Plus de femmes que. Oui, que tout à fait, mais c'est aussi logique dans le sens où les femmes ont une plus grande espérance de vie que les hommes. Oui, hein. D'accord. Mais en même temps, c'est une situation qui doit nous interroger. Parce que là, je parle de chiffres de 2011. Et avec ce qu'on évoquait tout à l'heure et ce qui était évoqué donc sur la proportion du nombre de personnes âgées qui va grandissante. Et c'est une très bonne chose. Mais il s'agit aujourd'hui donc d'une révolution sociale et socio-culturelle qu'il faut envisager. Et là, c'est l'ensemble des opérateurs qui doivent justement réfléchir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des structures qui s'organisent. Il y a le JEVA. Et l'ensemble des opérateurs, je pense, petit à petit, commencent effectivement à regrouper un petit peu leurs points de vue tout en gardant bien sûr chacun leur leur mission fondamentale. Mais il y a des enjeux de société qui sont énormes. On parlait tout à l'heure effectivement d'adaptation du domicile. C'est un sujet phare, très très important. Il y a des problématiques de coût aussi, hein, donc la prévention des chutes par exemple. Hein. On parlait tout à l'heure des problématiques de manque de place en hébergement. On a aussi la nécessité de développer des structures intermédiaires, donc ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Le sujet du pouvoir d'achat des personnes âgées, il faut bien qu'effectivement ce sujet soit traité. Donc, à un moment donné, les opérateurs avaient essayé de contribuer pour que justement, y compris à La Réunion, on puisse pouvoir faire quelque chose. Je pense que si les acteurs arrivent à s'organiser pour se battre sur des vrais sujets de société, il faut essayer. En tout cas, si on n'essaye pas, on ne fera rien. Et en tout cas, pour moi, l'enjeu de la solitude est un point fondamental parce que le bien-être social d'un individu, donc le bien vieillir, passe par effectivement une vie sociale équilibrée. Or, si les gens sont seuls, c'est difficile d'avoir l'équilibre. Donc moi, j'engage toutes les personnes âgées sans attendre à maintenir et se forcer un tout petit peu à garder son lien social. Parce qu'en plus, on sait qu'à La Réunion aussi, il y a quelquefois les familles qui sont en métropole ou qui s'en vont à un moment donné. Et c'est bien. Le lien social est préservé. Heureusement que le lien social est préservé. Mais malgré tout, voilà, ça reste quand même un sujet de fond pour lequel... Et c'est bien que les gens bougent et aillent en métropole. Mais du coup, on a des solutions de solitude qui sont réelles et prégnantes. Encore, est-ce qu'il sera encore préservé dans 10, 15, 20 ans ? Malheureusement, ça s'empire. Ça s'empire. Puisque entre 2006 et 2011, on a eu une augmentation de 8% de ces problématiques de solitude. Donc, c'est pas neutre. Hein. Alex, le chat, oui. Allez-y, oui. Oui, alors, effectivement, nous, la vocation première de l'Université solidaire, c'est bien de contribuer d'abord à l'épanouissement des seniors au sens large, à l'acquisition et au partage aussi du savoir-faire. Et à partir du moment où il y a un échange de bons procédés qui se fait, il y a... Bon, les adhérents font savoir leurs talents, parce que quand on a eu toute une activité professionnelle, on devient expert, on a un savoir-faire certain. Et donc, nous, au sein de l'Université solidaire, eh ben, ce sont ces personnes qui, toute leur vie, ont développé un certain nombre de savoir-faire. Et donc, aujourd'hui, ils deviennent... Ben, c'est le faire savoir. Ils le montrent aux autres. Ils disent, ben voilà, comment on fait. Ouais. Et c'est pour ça que nous avons plein d'ateliers qui permettent aux gens de retrouver. Et je veux prendre un autre exemple. Bon, et ça, c'est sur le savoir-faire. Mais même sur l'informatique, aujourd'hui... Combien de personnes âgées sont complètement perdues quand ils voient leurs enfants, leurs petits-enfants avec leur clavier, vraiment. Et donc, les papis et les mamies, ils ont besoin de... Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de formations. Et donc, aujourd'hui, eh ben, nos personnes âgées se promènent avec leur tablette et donc commencent à devenir, j'allais dire, experts. Grâce, effectivement, au savoir-faire de certaines personnes qui sont dans l'Université solidaire et qui initient et qui ensuite perfectionnent même certaines personnes. Alors, une petite question de Michael de Saint-Pierre. Alors, donc, il dit que sa conjointe a la mâchoire qui serre, elle a 1,79 g. Est-ce que cela veut dire qu'elle, c'est un signe de diabète? Diane Bayeux, vous pouvez répondre à Michael de Saint-Pierre? Oui, j'encourage Michael à aller voir le médecin traitant. Parce que effectivement, à 1,79 g, il y a un fort risque de suspicion de diabète pas équilibré. Ouais. Et après, la mâchoire qui serre, ça peut effectivement être lié, mais ça peut aussi être le signe de tout un tas d'autres choses. Donc, j'invite à aller voir le médecin dans les meilleurs délais. Alors là, on s'aperçoit que, oui, Emmanuel Barroso tire de la CGSS, là, l'auditeur donc ne consulte pas, il pose la question, mais 1,79 g, oui, il faut se poser la question. Oui, il faut se poser la question. Le fait de ne pas consulter, on conseille toujours à l'autre, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on conseille toujours d'aller chez le médecin, on est toujours de bons conseils pour les gens de notre entourage, mais les bons conseils, c'est toujours plus difficile de se les appliquer à soi-même. Et ces bonnes pratiques, c'est les bons réflexes, il faut aussi veiller à se les appliquer. Annick de Saint-Denis est avec nous. Bonjour Annick. Bonjour Claude, bonjour tous les invités sur le plateau. Annick, donnez-moi un peu plus de 5 minutes s'il vous plaît, d'accord ? Oui, d'accord. Voilà, et vous allez nous parler de votre maman qui a 93 ans. Exactement. Très bien, donc vous restez avec elle, vous l'accompagnez, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, je vis avec elle, je vis dans sa maison avec elle. D'accord. Elle a 93 ans, elle est en bonne santé ? Elle est en bonne santé, mais la pauvre en ce moment, elle a un petit séjour hospitalier. Bon, très bien. Annick, oui. On vous rappelle dans un peu plus de 5 minutes sur Réunion Première, d'accord ? À tout de suite, merci. Merci à vous. Dans 2 minutes, l'info avec Antoine Garnier sur la Première. Make sure that the love don't stop. Round and round the clock. What we said. Right about now. I give you everything you want. But all you talk about is everything I don't. Yeah. Why you always talking slick? It's like I can't do nothing without getting lit. Yeah. Until I throw you on the bed. Put it down, pull your head, kiss your neck. Yeah, you love messing with my head. Sometimes I think that you're not even upset. One day me no even talking to you. Next day watch me call you. 1 minute you hit me, then the next you want me put it on you. I love it when we fight just to make up. Make it up to me, baby. I make you happy in the bed. But girl, it's so much better anytime I get you mad. Yeah. Why you so wicked and bad? Attitude makes me wanna bend you over my legs. Yeah. Scream and yell in the house down. Sometimes you love me, sometimes you're coming from my head. Yeah. We are with the old town. Fighting like teenagers all over again. You yelling, screaming, then I threaten that I'm gonna leave you. Then we get back, do it again, and baby, here's the reason. Le bien vieillir, un enjeu d'avenir. Il en est question ce matin sur Réunion Première. On revient juste après l'info, il est 11h. Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. C'est la première fois qu'une affaire de trafic de drogue du cannibale est jugée devant un tribunal réunionnais. 10 hommes sont convoqués cet après-midi à la barre de la chambre correctionnelle de Saint-Pierre. Certains doivent répondre de simples détentions de stupéfiants. Une drogue de synthèse apparue dans l'île ces dernières années. D'autres sont accusés d'en avoir importé, classée dans la catégorie des drogues dures. Cette substance de synthèse a des effets désastreux sur les usagers. Son surnom de drogue du cannibale vient du fait qu'elle provoquerait des pulsions de cannibalisme. On en reparle à midi. Après l'agression de 2 enseignants la semaine dernière au lycée Jean Anglot du Port, plusieurs organisations syndicales dénoncent des violences de plus en plus fréquentes, notamment dans les établissements professionnels. Ce matin, au lycée L'Horizon, dans le quartier du Moufia à Saint-Denis, une vingtaine de professeurs a débrayé pendant une heure et s'est rendu devant les grilles du rectorat pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. Une délégation est actuellement reçue par le recteur. Certains consacrent tout leur temps libre depuis un an pour se préparer à l'événement. Le compte à rebours est lancé pour les 5000 coureurs qui s'élanceront sur les 3 courses du Grand Raid 2016. C'est dans 2 semaines exactement que sera donné le départ de la Diagonale des Fous sur le front de mer de Saint-Pierre. L'heure est donc au dernier préparatif pour les trailers. Ils ont pour la plupart déjà tout le nécessaire en termes d'équipement, mais certains effectuent encore quelques achats pour compléter leur trousseau. Et pour les séduire, les magasins de sport n'hésitent pas à casser les prix. En ce moment, reportage dans une boutique du Sud à midi. Nous irons également à midi à Paris où se déroule cette semaine la Fashion Week. Comme tous les ans, le début de cette folle semaine de la mode est marqué par la présence de jeunes créateurs et parmi eux Arnaud Waro, un réunionnais de 25 ans qui vient de présenter sa nouvelle collection, des modèles haute couture inspirés pour certains de notre île. Nous avons rencontré Arnaud Waro, reportage tout à l'heure dans le journal. Et puis juste après le journal de midi à 12h15, C'est dans l'actu sera consacré aux punitions. Quelles limites envers les enfants ? L'affaire de la correction infligée par une maman à son fils de 16 ans divise l'opinion. A-t-elle eu raison de lui infliger cette leçon ? Est-elle allée trop loin en le fouettant avec une ceinture et en direct sur les réseaux sociaux ? Nos invités seront Marie-Thérèse Huette, responsable du service d'accueil en famille au département, Marie-Josée Richard, déléguée départementale d'enfance et partage. Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000, également sur les réseaux sociaux via Twitter avec le hashtag CDLapremière et sur la la page Facebook de l'émission C'est dans l'actu. Et puis ce soir, n'oubliez pas, nous sommes jeudi, c'est donc le rendez-vous culturel de la rédaction. Jean-Paul Mélade vous donne rendez-vous à 18h15, juste après le journal de 18h. Et ce soir, il recevra Raphaël Buot de la Cité des Arts, il parlera de la rentrée. Isabelle Pillot du théâtre Les Bambous pour la clameur et le programme du mois d'octobre. Et également Laura Damour du Séchoir pour Allons Enfants. C'est la fin de ce flash, il est 11h03. On fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, parle d'un grand jour pour l'Europe, un grand jour pour la planète. L'Union européenne a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Résultat, le texte de la COP21 va pouvoir entrer en vigueur d'ici un mois. Distribution de sacs de sable, ouverture de refuges, évacuation. Le sud-est des États-Unis se prépare à l'arrivée de l'ouragan Matthew. Il a déjà fait au moins 23 morts en Haïti, d'après un nouveau bilan. 6 CRS et une commissaire de police blessée hier soir à Bastia. Des affrontements avec des jeunes nationalistes corses. Du mobilier urbain, une voiture ont été pris pour cible, ainsi que la Banque de France. Tout est en fait partie d'un rassemblement de soutien à des militants. Ils sont jugés en ce moment à Paris pour un attentat à Corté. C'était en 2012. Une décision de justice est attendue aujourd'hui à propos du centre pénitentiaire de Fresnes. L'Observatoire international des prisons a assigné l'État pour insalubrité. Le nombre de nuisibles, punaises, rats et autres cafards a explosé ces derniers mois. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, confirme qu'il défend bien l'idée d'une Coupe du Monde de football à 48 équipes. La phase finale resterait à 32 avec une phase de barrage, des finales pour qualifier la moitié des équipes. La météo de ce jeudi. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Temps très maussade depuis ce matin, du port à Saint-Philippe, idem pour le volcan, les plaines et les cercles de Mafate et de Salazie. En revanche, dans la région du sud-ouest, il fait bien meilleur et puis aucun changement n'est attendu pour l'après-midi. Il faudra faire avec. Les températures de ce jeudi après-midi, donc, faute de soleil, 27 degrés en bord de mer, 16 degrés sur le volcan et sur la plaine des Cafres. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Le bien vieillir est au cœur de votre émission ce matin, un thème qui forcément vous interpelle et qui vous inquiète aussi, hein, puisque ça parle de du vieillissement de la population, les mesures qui sont en place pour donner à chacun le droit de bien vieillir, la perte d'autonomie, la prise en charge financière, la retraite ou encore les solutions pour rompre l'isolement. Vos questions, vos réactions au standard de la première, 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Alors qu'on est en bas, il faut pas qu'on perde la raison. Même si demain matin on croit que c'est la fin, il faut pas perdre moyen, il faut qu'il lève le poing. Dans la vie nadée, on a des bannes à toute situation. Alors qu'on est en bas, il faut pas qu'on perde la raison. Même si demain matin on croit que c'est la fin, il faut pas perdre moyen, il faut qu'il lève le poing. Faut-il prendre courage, ton bateau là pour couler, bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Faut-il prendre courage, ton bateau là pour couler, bateau où il a fait nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Faut-il prendre courage, ton bateau là pour couler, bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Faut-il prendre courage, ton bateau là pour couler. Thank you. demain mettre le mauvais de côté. Faut qu'il puisse la force en toi, reste pas des six côtés. Allez, relève à toi, demain tu vas gagner. Sans tatouer d'un fait noir, ouvre la fenêtre, regarde un peu. Après te va voir que la lumière y brille aussi pour toi. Même sous la vie en vie, rien n'est fini. On va voir comment la vie, devant les plis solidotés. Faut qu'il prend courage, le bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile au bord où ça il est. Faut qu'il prend courage, ton bateau là pour couler. Bateau lui la fait nos phrases, tu trouves pile au bord où ça il est. Faut qu'il prend courage, ton bateau là pour couler. Bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile au bord où ça il est. Faut qu'il prend courage, ton bateau là pour couler. Les experts de ce matin sur la première, Emmanuelle Varro-Sautière, directrice déléguée de la CGSS, Diane Bayeux de l'association Diabète Nutrition, Alix Locha de l'Université Solidaire et Jacques Leroy, directeur de l'ORIAP. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Annick de Saint-Denis, rebonjour Annick. Oui, rebonjour Claude et rebonjour à vous tous sur le plateau. Votre vous avez maman. Une émission formidable ce matin. Merci, mais merci aux invités aussi d'être là. Et votre maman de 93 ans, donc vous disiez tout à l'heure, elle va très bien. Elle va bien, mais là en ce moment elle a des petits bobos sur les doigts de pied. Bon, elle a été hospitalisée, ça fait une semaine. Alors lui dire à travers vous que je l'aime et que nous l'aimons beaucoup très fort. Et je veux dire que ces personnes, ils ont besoin d'aide affectivement. Vous savez, on a besoin de les accompagner. Moi, je vois la mienne, il faut que je la voie tous les jours. Si je la vois pas tous les jours, elle est malheureuse. Vous savez, il faut... Alors, elle est malheureuse, mais vous êtes malheureuse aussi. Ah, ben c'est... Oui, oui, voilà, c'est ça. Voilà, oui. Donc, un ne va pas sans l'autre. Alors, on aimerait que ces petites personnes aillent bien tous les jours. Mais bon, c'est vrai que maintenant, ces petites personnes sont vachement bien entourées, médicalement parlant, socialement parlant. Ils sont très bien entourés. Donc, je dirais aux enfants de ne pas abandonner leur morceau, quoi. Il faut toujours s'en occuper. Ah, c'est très joli, ça, Annick. Oui. Mais oui, alors, oui. Elle reste à la maison, elle est chez elle. Elle vit dans son appartement, je vis avec elle. On a tous les aides, on a demandé le médical, le social, elle se porte très bien, j'ai tout fait pour qu'elle soit bien chez elle. Et à 93 ans, je vais vous dire encore qu'elle nous fait encore de bons caries, on l'assiste, elle nous fait encore de bons caries. Emmanuel Varro-Sautière, oui, une réaction s'il vous plaît. Bonjour madame, alors d'abord je salue votre maman et je lui souhaite un bon rétablissement. Simplement une question, vous dites que votre maman est très bien entourée et vous-même, est-ce que vous l'êtes? Alors moi je le suis parce que je suis aidée par mes frères et sœurs. Donc le matin quand je m'occupe d'elle, je finis avec 2h15, 2h, on boit un petit café ensemble. Et ensuite je passe le relais à mon frère ou à ma sœur ou à ses petits-enfants. Moi je vais m'aérer un peu et je reviens le soir et on reprend notre petit train-train. Donc je l'assiste parce que vu 93 ans, 94, donc elle a une perte d'équilibre, vous savez, elle a besoin de nous. Tout à fait. Votre témoignage, il est très important. C'est absolument important et tout à fait à votre honneur de vous occuper de votre maman avec vos frères et sœurs. Mais il ne faut pas s'oublier quand on s'occupe de ses parents. C'est très important de garder cet équilibre et de prendre l'air, comme vous le dites. Ben, c'est ce que je fais. Je fais ça les après-midi. Je m'en vais pendant une heure ou deux. Et puis quand je reviens, ben, je suis bien et je repars et je m'occupe d'elle de nouveau d'attaque. Et après, ben, on discute autour d'une petite limonade et voilà, on discute avec ses enfants, ses petits-enfants. Et après, la nuit, quand elle va dormir, bon, elle a tout, elle est vachement bien équipée et tout. On a tout fait pour qu'elle soit bien. Et voilà, quoi. Des fois, elle se couche pas avant 9h30, 10h parce qu'elle nous écoute, elle regarde et tout, hein. Oui, alors Jacques Leroy souhaite réagir aussi. Vous êtes le directeur de l'ORIAP. Bah écoutez, madame, c'est très beau. Félicitations. Ça donne même envie de venir partager quelques instants avec votre famille. Ça, c'est... Eh ben, je crois que c'est elle qui serait d'accord parce qu'elle adore la compagnie, elle adore les invités. D'accord. Elle aime bien discuter. Bah, ça sera avec plaisir. Mais du coup, une petite pensée aussi à tous ceux qui n'ont pas votre chance parce que votre famille, elle est solidaire. C'est le cas à l'ensemble, en général, à La Réunion. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille aussi nombreuse et aussi proche. Unie et solidaire aussi, Jacques Leroy. Unie et solidaire, et ouais. C'est toute la difficulté, c'est que justement, et on est confronté... Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ces petites personnes fragiles. Voilà. Mais on est parfois, justement, malheureusement, à La Réunion, confronté à des difficultés d'isolement des aidants qui s'épuisent justement à accompagner leurs proches. Et donc, du coup, le message, ça serait que ces aidants-là, ils n'hésitent pas à intervenir auprès des professionnels pour appeler à l'aide avant de s'épuiser eux-mêmes. Mais en tout cas, bravo, madame, pour ce que vous faites pour vos parents. C'est un modèle, de bon sens et on a vraiment envie de partager du temps avec vous. Moi, j'aimerais bien dire aux enfants de ces petites personnes, prenez le temps de l'aider, prenez le temps de vous aider, vous, parce qu'elle a des petits-enfants. Là, bien souvent, ils ont des enfants, ils ont de très bons voisins comme nous. Vous savez, ne pas hésiter à les faire entrer, à leur dire un petit coucou, bonjour mamie, bonjour mémé. Vous savez, ça, c'est important pour eux, ça. C'est important. Et ce qui est génial dans votre message, c'est que vieillir, c'est une très belle chose, en fait, madame. Donc ça, Exactement. Merci pour cette contribution. Et c'est beau. Moi, je voulais message, souligner oui. aussi ouais. que, du coup, pour la majorité des personnes âgées, le vieillissement se passe dans des bonnes conditions d'autonomie. On a seulement 8% des plus de 60 ans qui sont dépendants. Voilà. Et 20% seulement des plus de 85 ans qui sont dépendants. Globalement, quand même, hein, le vieillissement est très positif. Donc, il faut juste ne pas hésiter à s'informer et s'entourer et alerter les professionnels avant qu'on atteigne des difficultés auxquelles on ne pourrait pas remédier. Alors, mais bravo, oui. madame. Ben, je trouve que c'est formidable parce que moi, je vois que même dans son club de troisième âge, je l'accompagne, vous savez. Quand on fait des sorties, je l'accompagne, je m'en vais avec elle une journée. À 93 ans, elle va toujours dans les sorties. Je l'accompagne à son club, elle y va deux fois par semaine. Et quand on a des sorties autour de l'île, je l'accompagne la journée. Et on passe une journée et elle passe la journée avec ses copines. Et ça se passe très bien. Oui, Alix, le chat. Bonjour madame, je suis vraiment surpris et bon, je vais pas la débaucher de son club de troisième âge en lui disant venez à l'université solidaire parce que là aussi nous avons, comme vous avez dit que elle faisait de la bonne cuisine et tout, que nous avons aussi un atelier cuisine, elle pourrait partager. Bon, mais en tout cas, c'est très bien. Félicitations et donc je crois qu'effectivement votre mère a de la chance d'avoir un environnement qui est, parce que quand la famille participe autour, et ça n'est pas malheureusement le cas de toutes les personnes âgées. Alors, en tout Annick, cas, félicitations à vous et merci Annick, avant de se quitter, j'ai besoin de savoir un petit peu l'alimentation de votre maman, parce que Diane Bayeux qui est avec moi, donc est de l'association Diabète Nutrition, qui est aussi diététicienne, donc envie de savoir un peu plus. Écoutez, le matin elle a son petit déjeuner avec ses deux tartines, le café tout d'abord, deux tartines, son bol de lait. Oui. Je lui fais un jus d'orange pressé vers 10h15, toutes les deux on en profite, ou c'est une banane. D'accord. Et à midi, écoutez, c'est son repas complet, hein, le riz, le grain, le curry, son piment. Oui. L'après-midi, c'est son petit goûter, un petit morceau de pain ou un petit morceau de gâteau, voilà, ce qui lui passe sous la main, ce qu'elle a envie de manger, ou un petit kiri ou quelque chose comme ça. Très bien. Et le soir, par contre, il n'y a pas de riz, il y a un petit bout de pain, de la salade, ou une friture, ou du jambon, ou des pâtes. Diane Bayeux, vous en pensez quoi? Bah écoutez, vous êtes aidante et experte en alimentation. Ouais, non, c'est très bien et du c'est coup. Son choix, hein, c'est pas le mien, c'est son choix. Ouais, mais le simple fait que vous soyez là pour l'accompagner durant les repas, sur la préparation des repas, qu'elle puisse avoir le choix dans son alimentation, rien que ça aide à maintenir justement l'envie de manger. Parce que bien souvent, exactement. En vieillissant, on perd l'envie de manger, comme l'envie d'avoir des interactions sociales. Donc c'est très très important. Et l'une des choses à surveiller dans l'état de santé lié à l'alimentation, c'est s'assurer que la personne ne perd pas de poids. Et je me rends compte en ce moment qu'est-ce qui se passe à l'hôpital en ce moment. Vous savez, ils sont obligés. Donc le fait de déjeuner toute seule, ça va pas. Mais dès que j'arrive, là, on recommence à grignoter, on recommence à prendre un petit café, à rediscuter, voilà. Vous voyez? On voit bien, voilà, vous, ce que vous dites, le lien direct entre l'interaction sociale et l'alimentation, c'est primordial. Elle se retrouve à l'hôpital, elle n'est plus comme elle était à la maison, c'est ça, voilà. Non. Là, il lui tarde de rentrer, de retrouver son fauteuil, ses enfants, son petit carré. Son feuilleton à la télé aussi. Son feuilleton à la télé, bien que la vue se baisse un tout petit peu, ils aimeraient à 90 ans avoir une vue 100%, mais ça, bon, c'est plus le cas, je sais. On a beau lui répéter tous les jours, maman, tu lis les gros titres, c'est déjà pas mal. Annick, merci beaucoup. Merci. Mais je vous en prie. Merci pour votre témoignage. À très bientôt, merci encore. Il reste un peu moins de 10 minutes pour contacter Mathias au standard de la première. Sur le bien vieillir, on en parle avec nos experts. 02 62 99 2000. Première. Culture première, Jean-Paul Mélade. La place de la femme dans les contes créoles. Si ça t'y trouve, mon lémé, Kossa, Zotlé Poudjali. Toutes histoires, Nena La Réunion, Maurice, Seychelles, Comor, Mayotte. On a de plus en plus de monde raconte l'histoire, La de Réunion. De la programmation au bambou et de celle de la Cité des Arts. Bienvenue dans ce magazine culturel. Culture première, tous les jeudis à 18h15 sur Réunion Première. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit aide à ouvrir de boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. Première. Des boums et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à la bringue, et ton amour m'ont épuisé. Des boums et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Des boums et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingles que tu m'as fait endurer. Je sens des boums et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Le bien vieillir sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Fernand qui réagit sur la page Facebook de l'émission Les Experts. Ayant été très malade, je ne peux pas m'occuper de ma mère. Et du coup, donc, elle est dans une famille d'accueil où elle est bien soignée et surtout bien traitée. Alix, le chat de l'Université Solidaire, sur le message de Fernand. Mais tout à fait, bon, Fernand... Elle est dans une famille d'accueil. Hein. Oui, ouais. Ben, la chance. Alors, heureusement, alors, quand je disais tout à l'heure que nous avons pris beaucoup de retard sur les constructions, notamment de structures d'accueil des personnes âgées, heureusement qu'il y a les familles d'accueil sont là, ouais. Et qui supplaient, aux carences. On n'a pas prévu suffisamment. Et aujourd'hui, il y a quand même... la possibilité d'avoir des personnes âgées qui n'ont plus toutes leurs aptitudes pour pouvoir aller dans les clubs et autres, se retrouver dans des familles d'accueil et puis, j'allais dire, vivre normalement. Alors oui, Jacques Leroy, directeur de l'Oriapaz, sur les structures, donc on entend souvent parler de l'EHPAD, là les familles d'accueil, qu'est-ce qu'il existe encore ? Les structures sont au niveau national, en tout cas déjà assez variées et complémentaires. Donc on a parlé des EHPAD tout à l'heure, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, on préfère parler de perte d'autonomie, mais juridiquement ça s'appelle les EHPAD. On a les EHPA, établissement d'hébergement pour personnes âgées tout court, donc des personnes âgées qui ne peuvent pas rester encore à domicile, mais pour lesquelles il n'y a pas besoin de soins, et donc qui sont du coup dans une structure qui permet justement d'être un peu l'intermédiaire entre l'EHPAD et le domicile, hein, avec donc un accompagnement... autour effectivement des besoins liés donc à cet âge-là. Et on a donc tout ce qui est quand même le maintien à domicile au sens large, hein. On a toutes les structures de service à la personne qui sont présentes à La Réunion en mode mandataire, en mode prestataire. Les CCAS qui interviennent aussi effectivement tant sur des aides sociales avec le conseil départemental CGSS que effectivement en mode mandataire ou prestataire selon les territoires. Donc mais on a aussi, c'est été souligné tout à l'heure, et ça je pense qu'effectivement c'est des structures qui vont se développer, tout ce qui est accueil familial, la politique du conseil départemental donc qui est chef de file pour les personnes âgées justement aussi, et de développer justement ce genre de structure avec des maisons d'accueil familial en plaçant une par commune et territoire. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi, on a aussi donc les résidences autonomie, les résidences services, telles qu'elles ont été en tout cas redéfinies par la loi, sachant que donc pour ce qui concerne La Réunion, on n'est encore qu'au démarrage en fait de ce type de choses, puisqu'en fait je pense que c'est en lien avec cette nouvelle loi et l'ensemble des opérateurs qui commencent à se saisir de cette problématique du vieillissement. Il y a vraiment, on sent à La Réunion, au travers de tout ce qu'on va appeler la silver economy, des consciences, je dirais, des différents opérateurs qui commencent à effectivement essayer de s'unir aussi. Maintenant, reste que donc juridiquement, on a aujourd'hui les éléments qui permettent d'eux. Maintenant, c'est aussi les moyens. On ne va pas construire un EHPAD comme ça. Aujourd'hui, la politique nationale, c'est que c'est effectivement très coûteux. La CNSA, donc Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a fléché des financements au niveau national et pour La Réunion pour des créations de places. Mais aujourd'hui, ça reste très très cher de construire. Et la politique donc, sur le territoire de La Réunion n'est pas de créer des structures dans celles qui sont déjà autorisées, mais beaucoup plus de s'appuyer sur celles qui existent pour augmenter plutôt les capacités. Parce que ça revient en proportion moins cher aussi que de recréer des structures ex nihilo. Mais il y a un vrai retard, hein, comme ça a été évoqué par M. Le Chat aussi, entre les taux en place en métropole pour les places en EHPAD ou en EHPA et les places qu'on a sur le territoire de La Réunion. Comme ça a été dit aussi donc, par Mme le CGC tout à l'heure, c'est vrai qu'on était braqué à La Réunion sur le fait qu'on reste à domicile parce que c'est effectivement une question de culture. Sauf qu'aujourd'hui, au vu effectivement de l'évolution démographique et du boom démographique qui est encore plus explosif effectivement à La Réunion, là, maintenant, il faut se réveiller. C'est plus possible, en tout cas, qu'on puisse absorber sur le domicile l'ensemble des besoins des personnes âgées. Donc, il y a des enjeux qu'il faut effectivement arriver à traiter et avec des financements qui sont complexes à trouver. Alors, autre réalité, et ça, c'est pour Lynn qui dit qu'aujourd'hui, les enfants nous envoient en fait dans des maisons de retraite. Alors qu'on préfère rester à l'ancienne, garder l'ancienne tradition. Emmanuel Roy-Roussotier de la CGSS. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que culturellement... Les personnes âgées ne sont pas d'accord de partir, voilà, mais un peu forcées à quitter la maison. Elles sont un peu forcées de quitter leur environnement. Après, c'est ce que l'on disait, c'est un équilibre à trouver entre la vie de l'aidant, qui a ses propres enfants dont il doit s'occuper, qui lui-même doit gérer aussi son passage à la retraite et son propre notre vieillissement. Et puis aussi bien se rendre compte que si le passage en maison de retraite ou en EHPAD s'impose, c'est bien parce que l'état de santé de la personne, sa dépendance, ne permettent plus une prise en charge adaptée au domicile et que rester au domicile va générer des complications. C'est très difficile, c'est pour ça que ça se prépare. Il vaut mieux éviter des transitions brutales. Et on revient au message du départ, plus on se prépare à l'avance, plus on prend ses dispositions, plus on en échange également dans la famille. Le moment venu, même si ça reste difficile, ça se fait plus sereinement. Alors, une auditrice qui nous dit qu'elle envie vraiment cette dame de tout à l'heure, Annick, avec ce très beau témoignage pour sa maman de 93 ans. J'aimerais tellement qu'on me dise « Ok, aujourd'hui on s'occupe de maman, mais tu sors pour t'aérer, voir tes amis. J'aimerais que ça vienne naturellement, pas à quémander de l'aide aux autres membres de la famille. » Voilà, donc ça s'est très bien passé pour Annick tout à l'heure, pour sa maman, mais ça ne se passe pas très bien pour notre auditrice, donc Lucie de l'Ouest. Oui, Jacques Leroy, directeur de l'ORIAP. Mais oui, mais madame, effectivement, reflète effectivement le fait que, globalement, sur l'ensemble du paysage réunionnais, les situations sont toutes vraiment très individuelles, et on a autant de cas que de personnes âgées et de familles. Il n'y a pas de cas général, en fait. Hein, donc, on a des situations qui sont parfois complexes, et qui génère effectivement à la fois humainement et techniquement des situations dramatiques, hein, on peut le dire. Hein. Maintenant, effectivement, entre le savoir et pouvoir faire quelque chose, c'est là où ça devient effectivement compliqué, parce que donc il y a des situations pour lesquelles le système aujourd'hui est un petit peu parfois à bout au niveau des solutions qu'on peut trouver. Donc on va plutôt, au lieu de chercher une solution idéale, on va essayer de trouver la solution qui correspond le mieux à un instant T, aux besoins de la personne accompagnée. Donc là, aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, il y a des structures, il y a des CCAS, il y a la MAIA, hein, donc il y a des structures comme celle-ci, avec des professionnels, donc au niveau du conseil départemental, qui sont polyvalents, en fait, hein, qui permettent de faire à un instant T un diagnostic des besoins de la personne, avec les assistants sociaux aussi du territoire, et puis ceux aussi qui se trouvent dans les hôpitaux, et les médecins, hein, de trouver à un instant T la solution, non pas idéale, mais qui correspondra le mieux à un instant T aux besoins de la personne, avec effectivement les problématiques de coût qui peuvent aller derrière. Mais si on n'est pas sur l'idéal, on cherche la moins mauvaise solution. Bah après, il faut quand même essayer de rester positif. Et le message, effectivement, c'est d'essayer, tant que faire se peut, tant qu'on peut réfléchir de manière saine et objective, c'est d'en parler avec les professionnels, de ne pas hésiter à aller s'informer, chercher l'information, avant qu'il ne soit effectivement qu'on soit confronté à des situations qui sont très humainement lourdes et préjudiciables pour tout le monde. Marianne de Saint-Paul est avec nous. Hello. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, moi je voudrais témoigner. Je n'ai plus ma maman, il y a 4 ans qu'elle est décédée. D'accord. Mais je me suis occupée d'elle pendant jusqu'à l'âge de 98 ans. La dernière année, ça a été vraiment assez lourd, parce que bon, elle avait encore toute sa tête, elle se débrouillait, elle faisait la cuisine, même que je l'interdisais d'allumer le feu, elle allumait. Bon, mais je me suis occupée d'elle, elle était encore valide, entre guillemets, parce qu'elle perdait l'équilibre et tout. Elle a gardé toute sa tête jusqu'à cet âge-là. Et arrivée en 2012, moi-même, je n'en pouvais plus, parce que mes deux petites sœurs ne pouvaient pas non plus m'aider, parce qu'elle avait d'autres occupations. Donc, j'ai pu la placer en maison de retraite. Et là, elle a été bien, parce qu'elle a fait 8 mois quand même en maison de retraite. Ouais. On allait la voir le samedi, le dimanche, à chaque fois qu'on avait un petit moment, on partageait un gâteau et tout avec elle, un petit truc, ça a été vraiment bien. Elle a été vraiment bien dans la maison de retraite où elle était. Ça a été facile d'avoir une place en maison de retraite, Marianne, s'il vous plaît. Ça a été, pour moi, je veux dire, finalement, elle a été malade un petit peu en janvier. En mars, elle était en convalescence ensuite, oui. jusqu'au mois de mars. Et au mois de mars, on a eu la chance. On a eu la maison Saint-François d'Assise, là, à Sainte-Clotilde. D'accord, ça a été très rapide, alors. Hein? Pour moi, ça a été rapide, oui. Rapide. Pour nous, ça a été rapide. Elle avait 98 ans. C'était vraiment... Et elle est décédée sans souffrir, entourée des personnes qui s'occupaient d'elle là-bas. Et je vous dis franchement, c'est agréable. C'est agréable d'être avec une personne âgée, parce que, bon... elle nous apporte beaucoup. Elle nous apporte beaucoup. C'est ma maman. En face, il y a sa voisine qui est juste à côté de moi aussi. Elle a eu 98 ans le 4 octobre. Oui, et elle est entourée de sa famille. Et c'est vraiment, on est là, on est à côté, on l'aide, elle est bien. Alors, juste oui. pour terminer, Marianne, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous aidait, vous Moi, j'avais quand même une personne de la PA qui venait faire une aide ménagère. Non, mais ça, c'est pour votre maman, mais vous, le temps que vous passiez avec votre maman... Ben non, j'ai pris ma retraite, j'étais en retraite, heureusement. Oui. Mes deux petites sœurs, elles passaient, le week-end, c'était assez lourd, parce que il fallait trouver quelqu'un qui vienne avec elles. Mes petits-enfants, étaient là aussi pour rester un petit peu avec elles quand moi, je m'absentais avec mon mari. Mais ça arrivait, ça, c'était le plus lourd, oui. parce que les gens, quand ils ont pris leur vie, ça les dérange de venir un après-midi avec quelqu'un qui est là, qui embête entre guillemets, Le soir, j'aurais bien aimé, moi, que quelqu'un vienne, la dernière année surtout, dormir à côté d'elle, avec elle. Mais moi, comme j'habitais dans la même cour qu'elle, j'allais dormir à côté d'elle, j'ouvrais mon clic-clac, et à 2h du matin, elle se réveillait, elle pleurait parce qu'elle voulait se lever. Je dis, maman, tu dors? Ben non, il faut se lever. Et elle pleurait jusqu'à 5h du matin. La dernière année, ça a été vraiment horrible, parce que moi-même, j'avais 67 ans. Donc je commençais déjà à m'inquiéter, quoi. Ouais, bien sûr. Et un jour je l'emmenais parce qu'elle avait mal. Alors là, elle a mal, il fallait l'emmener chez le médecin. Bon, j'emmène aux urgences à l'hôpital. Oui. Et puis on la laisse, madame, il faudra revenir, il faudra la prendre parce qu'on ne trouve rien. Donc et à chaque fois c'était la navette comme ça. Et un jour j'ai pris conscience, j'étais en train de conduire, j'étais dans un embouteillage pour aller la récupérer. Puis je me suis dit, j'ai 67 ans et s'il m'arrive quelque chose, qui s'occupera d'elle? Et qui s'occupera de vous aussi? Et de moi aussi. Voilà. Déjà de moi. Je pensais pas à moi à l'époque. Je dis, qui s'occupera d'elle? Et là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait qu'on prenne une solution pour elle. Pour elle, déjà, parce que je sentais que moi, mes forces s'épuisaient, je n'aurais pas pu continuer. Ouais. Ça a vraiment du sens, tout ce que vous êtes en train de dire, Marianne. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, vraiment, c'est très touchant. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse... Et après, ça a été un peu la galère aussi par rapport à mes deux autres sœurs. Ouais. Maman va naître là-bas, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Elle sera là-bas, on va plus pouvoir la voir, on aurait pu la garder ici. C'était un peu... pas la guerre, mais... C'était presque la guerre. Marianne. presque la guerre. Marianne, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et je félicite, parce que depuis tout à l'heure, je suis dans ma cuisine en train de faire mes activités. Je félicite toutes les personnes qui ont le courage de témoigner et qui, en même temps, sont là. Et je pense déjà, moi, aller m'inscrire dans une maison de retraite, parce que... vous avez l'air de nous aimer beaucoup parce que vous avez du mal à partir. Bon. J'ai 71 ans. Marianne. Oui, au revoir. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Beau témoignage. Un mot sur cette conférence débat le bien vieillir à La Réunion. Donc, c'est un enjeu d'avenir. On est tous d'accord. C'est pour le jeudi 13 octobre. Alex Lechat de l'Université Solidaire, pardon. Claude, en tout cas, d'abord, moi, je voudrais dire merci à Réunion Première pour ce qu'on fait pour les personnes âgées. Effectivement, nous sommes intervenus la fin du mois dernier sur les retraites. Aujourd'hui, nous intervenons sur les structures qui accueillent les personnes âgées et nous sommes en plein dans la Semaine Bleue. La Semaine Bleue, heureusement, j'allais dire qu'elle existe. La Semaine des Grands Mounes, c'est ça. C'est la Semaine des Grands Mounes. Mais cette semaine, on a commencé la semaine avec un conseil d'administration de l'ORIAPA, avec M. Jacques Leroy. Ensuite, hier, nous avions une commission de l'USOL. Aujourd'hui, hier soir, pas plus loin qu'hier soir, c'était les fonds MUTA, des conventions avec des structures pour les personnes âgées et diabétiques. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes pour le bien vieillir. Nous serons samedi dans la Marche Bleue à Saint-Denis. Nous avons donc un partenariat avec la commune de Saint-Denis. Ensuite, la semaine prochaine, dès mercredi, nous aurons un après-midi intergénérationnel, donc les personnes âgées avec les jeunes, enfants et les petits-enfants. Oui. Oui. Et ensuite, donc jeudi, effectivement, j'allais dire cerise sur le gâteau, nous terminerons nos actions sur cette conférence débat de bien vieillir à La Réunion, qui est un enjeu d'avenir, qui se passera le jeudi 13 octobre au MOCA, route de Montgaillard à Saint-Denis. Et nous attendons effectivement un public très important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première, parce que le bien vieillir, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un enjeu d'avenir. Merci d'avoir été là, Emmanuel Loire-Rossotière, directrice déléguée de la CGSS, à Diane Bayeux de l'association Diabète Nutrition 974, qui a quasiment mis en place toute l'émission, avec le lien avec les invités, c'était très bien. Merci beaucoup, Alix Lochat de l'Université Solidaire et Jacques Leroy, directeur de l'ORIAP. À très bientôt sur Réunion Première. À bientôt. Merci, merci, à bientôt. Merci. 10h midi, les experts avec Claude Montané. It's been 25 years. is around this very day. From the one outside to the ones inside, we comme elles viennent, sans jamais trop me poser de questions. Je suis trop fort pour qu'on me retienne. Je suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon. J'ai pas peur de me jeter dans la bataille. Demain je danserai au son du canon. Au son du canon. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. On vit le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Je croyais que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Se retrouver seule. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Mes parents pleurent, ils ont la haine. Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre. Laisse-les parler, ils ont tant de peine. C'est avec les honneurs qu'on m'enterre. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais on va pas se voir beaucoup. Le jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup, je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles. Dans un peu moins d'une demi-heure, Philippe Dornier, pour C'est dans l'actu, reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé, ce qui a fait le buzz aussi, cette punition, ce gamin qui a été puni par sa mère. Donc, quelle limite envers les enfants ? L'affaire de la correction infligée par cette maman à son fils de 16 ans qui divise l'opinion. A-t-elle eu raison de lui infliger cette leçon ? Est-ce qu'elle est allée trop loin en le fouettant avec une ceinture et en direct sur Facebook ? 2h15, 2h45 tout à l'heure sur la première et les réactions 02 62 80 Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi, cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Chez les Martin, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante. Et chère. Très chère. Aussi, chez les Martin, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Sur la première, c'est signé Ornel. 11h52, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Payette Joseph Ginot. Payette Joseph Ginot, décès survenu à l'âge de 71 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente de la Plaine des Cafres. Il était domicilié au 49 Chemin des Roches, route du Piton Hyacinthe à la Plaine des Cafres. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Potin Jean Scolastien, dit Cola. Potin Jean Scolastien, décès survenu à l'âge de 67 ans. Le convoi sortira du 5 chemin canal PK20 à la Plaine des Cafres. Ça sera en l'église de Sainte-Thérèse à la Plaine des Cafres et l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Madame Robert Joseph Marie. Madame Joseph Robert Marie, décès survenu à l'âge de 88 ans. Le convoi sortira de la salle funéraire de l'Étang Salé aujourd'hui à 15h. La bénédiction se fera en l'église de l'Étang Salé à 15h30. L'inhumation au cimetière de l'Étang Salé. Décès de Monsieur Posé Christophe Léon. Monsieur Posé Christophe Léon, décès survenu à l'âge de 88 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 3, lotissement Mougalia, chemin Lagourgue à Saint-André. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Témir Jules Antonin, dit Gilot. Monsieur Témir Jules Antonin, décès survenu à l'âge de 87 ans. Un recueillement se tient à son domicile au 23, chemin Ancélie à Sainte-Thérèse à la Possession. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en l'église de Sainte-Thérèse, suivie de l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Gigan Rita Lucille. Madame Gigan Rita Lucille, décès survenu à l'âge de 87 ans. La veillée se tient au centre funéraire de la ligne Paradis. À partir de 14h aujourd'hui, la bénédiction se fera en la chapelle du centre funéraire. Donc demain à 14h30, l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Madame Armino Ernestine Dittina, domiciliée au 18 rue des Marquis, lotissement Les Rosiers à Saint-Denis. Décès survenu à l'âge de 76 ans. La veillée se fera au centre funéraire de Prima demain. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima et l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Décès de Monsieur Nalem Gabriel, décès survenu à l'âge de 67 ans. Le convoi sortira de chez Monsieur Jean-Baptiste Marc au 8 Silex Sentier Jean-Baptiste Commune Caron à Sainte-Suzanne. C'est aujourd'hui à 14h30 en l'église de quartier français, l'inhumation au cimetière de Sainte-Suzanne. Décès de Vabois Régine, décès survenu à Saint-Paul. Une veillée a lieu au centre funéraire de Prima. La bénédiction se fera au centre funéraire de Prima, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Est à Saint-Denis. Décès de Monsieur Benjamin Honoré, décès survenu à l'âge de 78 ans. Le convoi sortira de son domicile au 21 chemin Charette, Bois-Rouge à Sainte-Marie. La bénédiction se fera aujourd'hui en l'église de Sainte-Marie, de la Ressource à Sainte-Marie à 16h, l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Madame Legros, Marie-Louise Gabrielle, dite Gabi Néfolio. Décès survenu le lundi 3 octobre, à l'âge de 92 ans, les obsèques auront lieu aujourd'hui à 15h30 dans l'église du Bernard, c'est en Vendée. Le décès de Madame Nayagom Scolastique, décès survenu à l'âge de 81 ans, la veillée a lieu à son domicile au 278, chemin Bœuf à la Ravine des Cabris. Le convoi sortira du domicile aujourd'hui à 16h, la bénédiction se fera en l'église de la Ravine des Cabris à 16h30, l'inhumation au cimetière du même lieu. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Des communiqués de Veolia, la Compagnie Générale des Eaux qui informe ses clients de la commune de Brapanon que suite aux dernières pluies, il a été constaté une augmentation de la turbidité de l'eau sur l'ensemble de la commune de Brapanon. Donc les abonnés doivent prendre la précaution de ne pas consommer l'eau. Il est conseillé d'utiliser de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition l'eau du robinet et la faire bouillir pendant 3 minutes. Autre communiqué de Veolia qui informe ses clients de la commune de Saint-Denis que là aussi suite aux dernières pluies, il a été constaté cette augmentation de la turbidité de l'eau. Donc les recommandations, ne utilisez plutôt de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition l'eau du robinet, la faire bouillir pendant 3 minutes. Les collectes de sang prévues pour demain, vendredi 7 octobre, avec l'UFS, c'est à la Civis à Saint-Pierre, de 9h à 13h. my life, my heart, my own. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to cry. I don't know why. Boy George, sur la première. Bon appétit à tous, il est midi. Le journal d'Anthony Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Premier procès à La Réunion d'un trafic de drogue du Cannibal, cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. 10 hommes sont convoqués à la barre après un coup de filet qui avait eu lieu en décembre 2015. Rappel des faits dès le début de ce journal. Les rencontres de la sécurité ont débuté ce matin à La Réunion, à Saint-André. Des collégiens ont participé à un atelier sur la cybercriminalité et d'après leurs témoignages, ils n'ont pas toujours conscience des dangers présents sur les réseaux sociaux. À Saint-Benoît, l'eau du robinet impropre à la consommation sur plusieurs secteurs selon l'ARS. Si vous la buvez, vous risquez une gastro-entérite. Explication dans cette édition. Et puis à la fin de ce journal, rencontre avec Arnaud Waro, un créateur réunionnais qui vient de présenter sa collection haute couture lors de la Fashion Week à Paris. Bienvenue sur Réunion Première. C'est le premier procès dans l'île d'un trafic de drogue du Cannibal. La chambre correctionnelle de Saint-Pierre jugera cet après-midi 10 hommes accusés de détention, cession ou d'importation de cette drogue de synthèse récemment apparue dans le département. En décembre 2015, un coup de filet mené dans le sud et le nord de l'île avait permis de lever le voile sur ce trafic. Également appelée flaca, la drogue du Cannibal a des effets dévastateurs sur ceux qui la consomment, selon les médecins. Rappel de cette affaire avec Sophie Persson. C'est un mot qui fait peur, drogue du cannibal. Pourtant, aucun lien n'a été établi entre cette substance et un comportement cannibale. Mais cette drogue de synthèse est hautement hallucinogène. Les consommateurs peuvent donc avoir des comportements totalement délirants après l'avoir absorbée. À La Réunion, elle a donc été importée pour la